Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler 9e art, pour porter quelques regards sur l'univers de la bande dessinée. Et les regards qui seront essentiellement autour de deux styles, de deux univers bien distincts cette semaine. D'un côté, l'horreur. Avec la bande dessinée Promise, deuxième tome, L'Homme Souffrance. Alors, le dessinateur Michael qui sera de passage pour nous présenter cette atmosphère, cet univers qu'il nous propose au sein de cet album. Et ensuite, on passera vers l'univers de la science-fiction avec David de Gauthier qui nous offre la BD Le Poids du Vide. Alors, de la science-fiction vieille école, un peu récit d'anticipation qui nous amène sur la Lune dans une société qui semble avoir mis le savoir sur un très très haut pédestal, si haut que bien peu de gens peuvent l'atteindre. Et sinon, évidemment, au travers de l'émission, quelques commentaires BD, notamment Mathieu Place, qui sera avec nous en fin d'émission pour parler, notamment faire un peu de rattrapage, dans son cas, sur la série Adventure Time qu'il a découvert relativement récemment et dans laquelle il s'est plongé au fil du dernier mois. Alors, c'est le menu pour l'édition de cette semaine. Et sinon, ben, peut-être des palmarès BD. Il y en a deux très importants qui sont sortis. Alors, notamment, on avait parlé il y a quelques semaines de ça, du top 15, si on peut dire, de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Eh bien, de ce top 15, ils en ont extirpé un top 5. Alors, top 5 qui est composé des titres Blast, tome 4, Pourvu que les bouddhistes se trompent, de Manu Larsenet, Cœur glacé de Joanne Demour et Gilles Dalle, La Lune est blanche d'Emmanuel Lepage et François Lepage, Moi assassin de Keiko et Antonio Altarriba, et enfin Ulysse, les chants du retour. Alors, le lundi 8 décembre, de ces cinq titres-là, eh bien, il n'en restera qu'un. Et on connaîtra donc l'album lauréat du Grand Prix de la critique ACBD 2015. Et autre palmarès également qui a été rendu public, c'est celui du Festival d'Angoulême. Alors, quels sont les titres qui ont été sélectionnés pour faire partie de la sélection officielle de l'événement? Et ben évidemment, une longue liste, comme à l'habitude, une longue liste qui inclut encore une fois cette année des titres québécois d'ailleurs, notamment Magasin Général de Jean-Louis Tripp et Régis Loisel qui se retrouvent dans la sélection officielle de l'événement, et également Le Gilles de la Jungle de Claude Cloutier qui a été réédité l'an dernier à Pastèque, qui lui se retrouve dans la sélection patrimoine. Alors, je vais peut-être y aller rapidement avec la liste, en vous mentionnant d'ailleurs, si vous n'avez pas le temps de tout noter, parce que en même temps, ça devient des listes de lecture assez intéressantes aussi, on s'entend là-dessus. Eh bien, en fait, tout ça est sur mon blog voir.ca/Raymond-Poirier. Alors, dans la sélection officielle, vous avez L'Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient de Riyad Satouf. Vous avez Hôtel California de Nino Antico, Barthélémy, l'enfant sans âge de Simon Roussin, Beta Civilisation volume 1 de Jens Harder, Blast tombe 4 de Manu Larsenet, Building Stories de Chris Ware, Calavera de Charles Burns, Cet été-là de Julianne et Marika Tamaki, Le chef de Nomidaga de Mitsuru Nishimura et Takuro Kajikawa, L'enfer en bouteille de Suhiro Maruo, Homme à la mer de Riff Rebs, Julio de Gilbert Hernandez, K.O. à Tel Aviv d'Asaf Anouka, Last Man de Balak, Michael Sanslaville et Bastien Vivès, Little Tulip de Jérôme Charine et François Bouc, Lock and Key, Alpha and Omega de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, Love in Vain, Robert Johnson, 1911-1938 de Jean-Michel Dupont et Mezzo, Lune à l'envers de Blucht, Magasin Général tome 9 tel que mentionné de Régis Loisel et Jean-Louis Tripp, Max Wilson 1, La tyrannie de Jérémy Moreau, Mais sans démons de Linda Barry, Moderne Olympia et de Catherine Meurice, Un océan d'amour de Wilfried Lupano et Grégory Panaccione, L'or et le sang, Khalil, donc L'or et le sang 4, de Morène de France, Fabien Nuery, Fabien Bedwell et Merwan, Panthère de Brecht Evans, Que la bête fleurisse de Donatien Marie, Saga 3 de Brian K. Vaughan et Fiona Staples, Sukwan Island d'Hugo Bienvenue, après le roman de David Yan dans ce cas, Sunny de Tayu Matsumoto, et il en reste encore, ma foi, quelques-uns, Ulysse, les chants du retour de Jean Aramba, Vermine 2, le retour de Pénélope, de Marc Pichelin et Guillaume Gers, Les vieux fourneaux 1, ceux qui restent de Lupano et Paul Coet, voir les baleines de Javier Deyouzi, Vous êtes tous jaloux de mon jetpack de Tom Gold, et enfin Yekini, le roi des arènes de Lisa Luktin et Clément Xavier. Alors ça, c'est la sélection officielle, donc qui peut permettre d'accéder justement au prix du jury, donc Le Fauve d'or, évidemment, qui avait été remporté l'an dernier par Alfred avec Panevita, si ma mémoire est bonne, en fait, et l'année précédente par Guy Delisle, si j'en oublie pas, avec Chronique de Jérusalem. Et sinon, évidemment, les autres sélections, mais il y a Jeunesse qui a une dizaine de titres, Au pays des lignes de Victor Husso, Boule à zéro, Docteur Zita de Ernst et Zidrou, Katrina 1 d'Alessandro Tota, Émilie Margot, Merci les monstres d'Anne Didier, Olivier Moulard et Olivier Deloye, Hilda et le chien noir de Luc Pearson, Carton de Patrick Wilbret et Uwe Hansch de Stater, Légende de la garde, La hache noire de David Peterson, Passe-passe de Delphine Couvel et Dawid, Quatre sœurs, deux Hortense de Cathy Bauer, d'après le livre de Malika Ferkjouk, désolé pour la prononciation, Les Royaumes du Nord 1 de Stéphane Melchior Durand et Clément Oubry, d'après évidemment le roman de Philippe Pullman, Seven Deadly Sins de Nakara Suzuki et Le Temps des Mitaines de Loïc Clément et Anne Montel. Sinon, sélection patrimoine, donc encore là une sélection assez resserrée qui inclut, entre autres, Gilles de la Jungle de Claude Cloutier, sinon il y a Albatar, Le Pirate de l'Espace de Leiji Natsumoto, Daredevil 1 de Frank Miller, Green Lantern, Green Arrow de Denis O'Neill et Neil Adams, L'Histoire de la Sainte-Russie de Gustave Doré, La Malédiction de Raspar Capac 1, Le Mystère des Boules de Cristal de Hergé, Pogo 1 de Walt Kelly, Sanmao, Le Petit Vagabond de Zhang Leping, Sandman 4 de Neil Gaiman et Sex and Fury de Bunten Taro. Alors ça, vraiment, patrimoine, c'est des rééditions, donc des titres historiques, en fait, importants dans l'histoire, dans l'historicité de la BD, qui se retrouvent réédités. Donc c'est un peu essentiellement le prix de la meilleure édition et dans ces œuvres qui sont, dans bien des cas, des incontournables dans leur style. Et enfin, la dernière sélection, la plus petite, c'est la sélection Polar. Alors, ça fait quand même quelques années qu'elle est là. Alors, cette année, ils ont sélectionné 5 titres. Donc, comparativement à la liste de 30, c'est assez court. Alors, on parle de Fatal de Doug Edline et Max Gabanes, Gotham Central, tome 1, Ded Brubaker, Greg Rucka et Michael Lark, De Moi Assassin d'Antonio Altariba et Keiko, Petite Coupure à Shioguni de Florent Chavouet et enfin, Wet Moon, tome 1 d'Atsushi Kaneko. Et d'ailleurs, on parlait de la CBD tout à l'heure, En route vers le Grand Prix, ben rappelons aussi que le prix Asie de l'Association des critiques avait été donné cet été à Wet Moon, tome 1. Alors ben voilà, donc je le rappelle, sur mon blog voir.ca/RaymondPoirier, vous avez la liste au complet, vous avez sûrement pas eu le temps de noter, et évidemment, mais sur le site du festival, j'ai même pas besoin de vous le donner, mettez Festival Angoulême 2015, vous avez aussi des petites descriptions, des présentations de l'ensemble, toujours assez intéressant, et comme je le disais et je le redirai, ce type de palmarès-là, moi je trouve ça intéressant, parce que ça donne des idées de lecture, ça nous dirige vers certains titres qui peuvent justement mériter notre attention au travers, évidemment, de d'autres types d'indications, comme celles qu'on vous propose ici également à La Vie en BD. Alors voilà pour ces quelques clins d'œil. En musique cette semaine, on reste dans la 8-bit avec la formation Red Flag et leur album Culture Shock, et on en écoute immédiatement un premier extrait. Et voilà, petit extrait donc de Culture Shock de Red Flag, ici à La Vie en BD, et on le dit d'entrée de jeu, alors on est un peu dans la BD de genre cette semaine. Et le premier genre qu'on a le plaisir d'explorer, c'est celui de l'horreur, ou du moins un univers à tendance horrifique, là, parce que souvent, l'horreur, on a des petits préjugés négatifs, et dans ce cas-ci, il faut les mettre de côté, tous les préjugés négatifs, parce que c'est très bon. Il faut dire que j'étais déjà un peu vendu dans la mesure où cet album, premier tome, je l'avais mis dans mes coups de cœur de l'année dernière, et j'étais bien content de voir donc le deuxième arriver sur mon bureau pour me permettre de poursuivre cette histoire-là. Et évidemment, j'avais envie d'en jaser aussi avec l'un de ses auteurs, le dessinateur Michael, qui est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, dans Promise, deuxième tome, donc L'homme souffrance, on retrouve pour la deuxième fois, on se retrouve dans ce petit village en plein cœur des Rocheuses. Après avoir vu l'arrivée d'un prêcheur itinérant dans le premier tome, on découvre un peu dans le deuxième son impact, dans le fond, sur le quotidien des habitants de ce village-là. Oui, c'est ça. En fait, dans le premier tome, on dressait la table un petit peu, hein, on présentait les différents protagonistes. Et puis, en fin du premier tome, le pasteur arrivait dans ce village et puis commençait à étendre son emprise. Mais c'était vraiment, on était dans les balbutiements de l'emprise du pasteur sur ce village. Et puis là, dans le tome 2, on est en plein dedans. Là, il va manipuler les villageois pour pouvoir vraiment en faire ce qu'il veut de ce village. Et puis également aussi, on va vraiment en apprendre plus sur le passé des différents protagonistes. Et on parlait dans le premier tome de l'atmosphère de huis clos qui s'installait justement, et dans le deuxième tome, c'est vraiment là où elle prend tout son sens, dans la mesure où le village se retrouve seul, si on peut dire, confronté à l'emprise grandissante de ce personnage-là. Oui, c'est ça, c'est vraiment... Il y a un décalage entre les paysages grandioses des montagnes rocheuses et puis l'isolement de ce petit village qui est, en fait, c'est un huis clos en plein milieu des grandes montagnes rocheuses. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ça amène un décalage assez intéressant. Mais là, on est vraiment à Promise et puis il se passe des choses pas très catholiques, justement, pour c'est le cas de dire. Et on parlait d'horreur tout à l'heure. D'emblée, en fait, vous avez fait le choix, toi et Thierry Lamy, d'évoquer plutôt que de montrer dans certaines séquences, donc de laisser travailler aussi l'imagination à travers la BD. Oui, parce que c'est plus efficace, tout simplement. Faire travailler le lecteur lui permet vraiment de plus de s'imprégner dans l'histoire. Et puis de faire appel à sa propre histoire, son propre passé, ses propres peurs qu'il a déjà vécues avec le noir, l'obscurité, l'isolement, et pour vraiment retranscrire l'émotion que nous on voudrait donner au lecteur. Donc plutôt que de tout lui servir sur un plateau, on préfère le faire travailler. C'est tout le but des auteurs en bande dessinée. Oui, puis en même temps, j'ai l'impression que d'aller justement à fond dans des scènes un peu plus gore, un peu plus monstrueuses, si on peut dire, ça serait venu à contre-pied du travail d'ambiance, parce qu'au bout du compte, l'horreur dans Promise, elle vient d'abord et avant tout de l'ambiance, l'ambiance étouffante un peu qui ressort de tout ce qui s'y passe, finalement, puis de la façon dont vous nous présentez ce qui s'y passe. Oui, c'était le gros point que j'ai dû développer pour cette série. C'est vraiment un genre auquel je m'étais jamais confronté, et puis c'est pas non plus le genre fantastique angoissant, c'est pas non plus un genre que j'écoute beaucoup. Je lis pas forcément beaucoup de livres, ou j'écoute pas forcément de films de ce genre-là. Donc j'avais pas de code, pas de référence, donc je suis vraiment parti d'une feuille blanche sans trop regarder ce qui se faisait dans les autres médiums pour pouvoir essayer de retranscrire l'angoisse et l'atmosphère lourde et pesante dans Promise. Alors ça passe par la mise en scène dans chacune de mes cases, par la mise en page, et puis aussi par l'éclairage, par les décors, et par l'isolement du village en lui-même, par la neige, ou dans le tome 3 sur lequel je travaille, on est plus dans une ambiance à la fin de l'automne, donc c'est de la pluie avec la boue partout, c'est tout sale, c'est vraiment... Donc tout ça contribue à une ambiance assez lourde et pesante, effectivement, sur l'ensemble du récit. Oui, puis en fait, dans le tome 2, comme c'est l'hiver, finalement, qui est au cœur aussi au niveau du paysage saisonnier, mais j'ai l'impression que tu as été aussi vers une palette de couleurs un peu plus froide pour qu'on ressente un peu le froid, justement, qui vient bloquer un peu, qui accentue le sentiment de distance. Oui, c'est pour ça que la neige, il y a plusieurs façons de la représenter. Et puis moi, j'y suis vraiment allé avec des tons bleus et gris. Donc vraiment le bleu pour amener le côté froid, et puis le gris pour amener le côté sale. Et puis comme dans le tome 1, toujours une palette de couleurs désaturées, ce qui amène aussi un petit côté sale et vieux, un petit peu vintage, comme dans les photos sur les vieux daguerreotypes d'époque. Et puis puisque j'ai choisi d'avoir un ancrage très graphique, très avec des gros aplats de noir, ensuite la couleur doit être vraiment assez limitée. Si je surcharge ma couleur avec des effets à n'en plus finir, ça va venir alourdir le dessin, puis on va perdre tous les sens de l'ancrage, en fait. Oui, puis on va perdre aussi les contrastes qui sont permis à travers cet ancrage là aussi, à mon sens. Et tout à fait. C'est pour ça que la couleur vient juste amener une petite atmosphère en plus. Donc, ça peut être comme une ambiance chaude si c'est au coin du feu, dans une petite grotte, ou comme il y a une scène dans un tipi. Sinon, effectivement, les scènes extérieures, là, on est dans du gris bleu sale un peu. Oui, puis on passe en fait aussi justement des intérieurs un peu plus chaleureux vers des extérieurs, vers des scènes où le feu est mis de l'avant aussi, qui viennent trancher justement avec le froid des pages précédentes. Oui, c'est chaque fois que j'ai du feu, là, j'utilise par contre du jaune ou du orange un petit peu plus saturé, donc un petit peu plus flashy, pour que lorsqu'on est dehors et puis qu'il fait froid, on sente vraiment plus le froid, parce qu'il y a vraiment un contraste important d'une scène à l'autre, entre l'intérieur et l'extérieur. Et à travers ce que tu nous dis, en fait, je pense qu'on comprend vraiment aussi, parce qu'on sait évidemment au niveau dessin, bon, c'est la mise en scène, c'est la mise en page, et en même temps, la couleur permet aussi beaucoup de contrôler l'ambiance graphique, donc de vraiment compléter la mise en scène, et devient indissociable de la manière dont on pense l'esthétique et dont on pense, dans le fond, au bout du compte, l'atmosphère de cet album-là. Oui, c'est un tout, hein. C'est vraiment ça. C'était... au départ, il y a eu des choix qui ont dû se poser, des choix graphiques, et puis effectivement, là, ça pourrait être mis en couleur complètement différemment, et puis là, on perdrait peut-être l'effet si on avait des couleurs plus flashy. Il faut que chaque chose serve au mieux le récit, que ce soit les dialogues pour le scénariste, l'enchaînement des scènes, et que pour le dessinateur, le trait, la vibration du trait, l'énergie qu'on met dans le trait, les aplats de noir, la couleur, tout ça doit servir au mieux le récit et ce qu'on veut raconter. Et en même temps, à travers tout ça, il y a toujours aussi, quand on tombe dans des récits à tendance horrifique comme ça, à savoir, est-ce qu'on peut faire peur en BD? Est-ce que c'est un peu un objectif qu'on se donnait? Parce qu'en même temps, ça reste surtout un travail d'ambiance, donc c'est plus de faire ressentir un inconfort que de faire peur, j'ai l'impression promise. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, en bande dessinée, il faut bien voir que par rapport au cinéma, on a moins d'armes pour vraiment faire peur. Le cinéma peut vraiment faire peur. Le livre un peu plus aussi par sa suggestion plus importante, mais en BD je trouve que moi ce que j'ai mis surtout l'emphase c'est ça sur l'atmosphère angoissante et pesante. Le but n'était pas de faire peur aux personnes, aux lecteurs, c'était surtout de les mettre dans une ambiance glauque et puis angoissante pour servir au mieux le récit. Mm-hmm. Donc effectivement. Puis à la limite, en fait, c'est là la vraie horreur aussi, parce que en fait, ça a été un peu dénaturé, j'ai l'impression, à la longue, avec l'idée qu'il faut faire des sauts aux gens ou des trucs comme ça. Mais l'idée, c'est justement d'installer cet inconfort-là. Et c'est là, à mon sens, qu'on trouve les racines de ce qu'on appelle le cinéma à tendance horrifique, la littérature horrifique, etc. Oui, c'est ça. C'est pas du tout le but de faire sursauter les gens. L'angoisse est plus efficace à utiliser plutôt que la surprise. Et diablement plus intéressant. Disais, ça, oui. Et j'imagine que pour toi, ça devient un défi. Est-ce que c'est quelque chose aussi au niveau du découpage, du travail comme ça, pour s'assurer que c'est efficace? Parce qu'après ça, je veux dire, réaliser une BD comme ça, c'est un véritable travail d'orfèvre. Donc, comment on s'assure de pas rater son coup quand on tombe en ancrage? Parce que en même temps, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à la couleur, donc qui arrivent sur la fin de parcours. Ouais, merci pour le travail d'orfèvre, c'est gentil. C'est bien apprécié. C'est une remise en question à chaque case, à chaque page et à chaque tome. C'est-à-dire que je ne reste jamais sur mes acquis. À chaque fois que je suis en train de découper une page et de la faire, parce que je me pose vraiment j'essaye de me poser les bonnes questions. C'est que va ressentir le lecteur si j'utilise ce plan-là, si je fais cette mise en scène-là? Si j'enchaîne ces deux cases-là l'une à côté de l'autre avec telle mise en scène, qu'est-ce que ça va lui induire au lecteur? Et puis petit à petit aussi, je prends un malin plaisir aussi à jouer au niveau de l'éclairage beaucoup aussi. Puis je commence à avoir de l'expertise là-dedans maintenant. Là, c'est vrai que ça vient plus vite, mais quand même à chaque fois, il faut toujours se remettre en question. Mais ça, c'est la base du métier aussi. Puis en même temps, au niveau du rythme de la série en général, pour ceux qui ont lu le premier tome, j'ai l'impression que le deuxième, déjà, le rythme s'accélère un peu plus, en fait, et le crescendo continue en route vers le troisième tome qui s'en vient. Oui, en route vers l'horreur, hein, vraiment. vers l'horreur annoncée, parce qu'effectivement, quand on ferme le deuxième tome, on se dit, là, comment ça peut finir, si ce n'est en apothéose? Et puis, comme je disais tantôt, je suis dans le début du tome 3, bientôt la moitié de fait quand même, même un tiers de finalisé. Et puis dans les premières pages, le pasteur le dit lui-même, tout ça va finir en apothéose, donc ça prévoit quelque chose d'important. Mais moi-même, je suis le premier surpris parce qu'en fait, le scénario a dû être manié parce qu'il était prévu en 4 tomes et puis finalement, il va se faire en 3. Donc, par rapport au départ, Thierry Lagny a dû revoir la structure de son scénario. Donc, quand je reçois les pages du scénario du tome 3, bah, je suis moi-même le premier surpris. Donc, c'est bien, ça me surprend, puis ça me permet d'essayer de servir au mieux sa nouvelle vision de l'histoire pour finir, comme il m'a dit lui-même, et comme l'a dit le pasteur, en apothéose. Ouais. Et à travers tout ça aussi, j'ai l'impression que des fois, dans certains albums, justement un peu plus angoissants, il y a une béquille parfois qui est utilisée où il y a des scènes, des moments qui sont un peu plus rigolos, qui font descendre un peu la tension. Et dans le cas de Promis, vous avez complètement évacué ce type de béquille-là pour aller à fond, justement, dans la direction. En fait, c'est un album qui va tout droit, qui avance et qui reste dans le style et dans l'univers qui s'est donné. Oui, c'est ça. Là, ce serait plutôt à Thierry de vous dire ça, parce que là, c'est vraiment lui le maître du récit. Mais effectivement, là, on prend pas de demi-mesure. Là, on est dans le. Il y avait quelques scènes quand même avec Rachel qui avec son franc-parler, n'hésite pas à défier des sages amérindiens ou des adultes, ce qui peut amener. C'est pas non plus des gags, mais ça peut faire sourire, et puis ça la rend encore plus attachante. Mais non, là on est promise, là c'est du sérieux, on y va à fond là. Et à travers tout ça aussi, justement, tu l'as mentionné, Michael, il y a des éléments en lien avec les chamans amérindiens, il y a la mythologie chrétienne qui rentre là-dedans, donc l'univers joue aussi avec des codes établis au niveau cinématographique, au niveau littéraire. Est-ce que ça rend le travail peut-être un peu plus facile dans la mesure où on tombe dans une sphère de référence qui est quand même connue de la part des lecteurs en général? Oui, c'est vrai que c'est connu, mais en même temps, j'essaye de, comme je disais tout au début de l'entrevue, de pas trop regarder ce qui s'est fait ailleurs dans le cinéma ou dans la littérature, ou même en BD, pour monter ma propre façon de raconter visuellement Promise. Mais sinon, effectivement, on fait appel à ce que le lecteur connaît au niveau de l'obscurantisme religieux dont on parle aussi beaucoup en ce moment. Pour aussi parler au lecteur, il faut leur parler de choses qu'ils connaissent, parce que pour ce genre de récit, c'est important pour qu'ils aient des références. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, en fait, le travail d'ancrage est déjà commencé pour le tome 3, donc ça avance dans les temps, comme on dit. Oui, j'ai les 15 premières pages de complètement finalisées, dessin couleur, donc pour Noël, je devrais avoir la moitié de l'album de fait, et puis c'est un album que je dois livrer au printemps, donc qui sortira à la rentrée prochaine, donc un an après la sortie du tome 2, là, en fait. Et est-ce que des projets de poursuite un peu dans l'univers de Promise par la suite, ou... Promise, Thierry Lamy, c'est tout un univers. Hein. Donc, on a de quoi faire un diptyque ou un triptyque sur avant Promise, et même aussi un diptyque ou un triptyque sur après Promise, avec des personnages qu'on retrouve de Promise. Mais pour l'instant, tout est entre les mains des éditeurs, donc ce sera à eux de nous donner le feu vert ou pas, pour éventuellement faire un préquel ou un autre cycle. Et d'ici là, évidemment, on a le deuxième tome qu'on peut se mettre sous la main et sous les yeux, qui est disponible en librairie depuis quelques temps. Michael, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine, oui. Avec plaisir. Alors voilà, donc on s'entretenait avec Michael, qui, je rappelle, est le dessinateur sur la série Promise, tome 2, L'homme souffrance, qui est arrivé en librairie en cours d'automne. C'est chez Glénat. Nous, on repart avec un petit extrait musical ici à La Vie en BD. Petit commentaire sur quelques albums avant de passer à la pause. Notamment, vous avez peut-être vu passer du côté de... Je crois que l'association fait donc Monolinguiste et Psychanalyse de Louis Trondheim. C'est sorti au début de l'automne. Évidemment, c'est des livres, je dirais un peu incontournables. On avait parlé un peu en entrevue d'ailleurs avec l'auteur quand il était passé à l'émission cet été, à savoir un peu c'était parmi la première vague de livres entre guillemets mal dessinés mais bien scénarisés qui avaient ouvert un peu les portes de manière plus officielle en fait, ou du moins participé à l'ouverture de portes sur justement ces nouveaux modes d'expression, avec l'idée que avec un scénario solide, avec une manière de pouvoir l'expliciter de manière claire, à défaut que ça soit éclaté tant au niveau du dessin, eh ben ça restait quelque chose d'intéressant autant pour le public que pour la critique, pour les gens du milieu. Et donc c'est un livre qui est assez connu de ce côté-là, paru donc à la fin des années 80, première planche de psychanalyse qui avait été dessinée d'abord en fanzine, en revue, ça avait été édité chez Le Lézard et augmenté, c'était en 92, d'une deuxième partie qui s'appelait Monolinguiste. Et ben, après quelques rééditions, ce petit opuscule était pratiquement introuvable. Et donc, en fait, c'est vraiment un ouvrage historiquement qui est important, fait qu'il y a son importance, c'est clair, courant minimaliste du début des années 90, qui peut donc permettre d'illustrer peut-être disons une efficacité vive la force et la radicalité de ces procédés-là, d'une certaine façon. Donc vraiment des cases, un dessin qui est clair, qui est quelques traits, qui varie pas nécessairement beaucoup, qui à la limite en fait on le regarde, je veux dire, on n'est pas attiré visuellement par cet album-là, mais quand on s'y plonge, mais là justement le rouage s'enclenche et là on est séduit, on comprend justement qu'est-ce que fait que cet album-là a fonctionné, a marché et s'est trouvé, s'est taillé une place au bout du compte dans l'évolution des courants du 9e art. Et donc, à rebours peut-être un peu avec l'esprit de l'époque, Trondheim affirmait d'une certaine façon, donc comme il nous disait, en fait, qu'on n'a pas besoin d'être un virtuose du dessin pour s'imposer comme un auteur de bande dessinée. Il y a évidemment un sens du dialogue, un sens de l'humour qui est propre à Trondheim, qu'on connaît bien aujourd'hui, mais que justement on peut redécouvrir, donc voir un peu quelles étaient ses premières voix, ses premières manières de présenter les choses. Et ça rend aussi l'album efficace, surtout si en plus on a eu l'occasion d'apprécier le travail de l'auteur, peut-être dans ses autres albums, qu'on a eu l'occasion peut-être plus facilement de trouver Les Aventures de Lapineau, dans lequel Trondheim nous disait ben, en fait qu'il a littéralement appris à dessiner au bout du compte dans la réalisation de tout ça, ben, de pouvoir retomber aussi à Psychanalyse et Monolinguiste, ben ça devient assez intéressant. Évidemment, donc c'est une œuvre qui est fondatrice, qui est annonciatrice dans le fond de changement, de modification, d'évolution du milieu de la BD. C'est pas nécessairement le chef-d'œuvre de Trondheim, évidemment. C'est une œuvre de jeunesse aussi, avec ses défauts, avec ses qualités. Mais c'est une œuvre qui, je pense, en fait, si on apprécie cet auteur-là et qu'on n'a pas eu l'occasion de lire, ou si on apprécie cette mouvance-là et qu'on n'a pas eu l'occasion de mettre la main sur cet ouvrage-là, eh bien, évidemment, on le lit. Évidemment, on le découvre. Évidemment, on prend le temps de plonger là-dedans. Alors, je le rappelle, donc, c'est Monolinguiste et Psychanalyse de Louis Trondheim. Sinon, rapide clin d'œil aussi, c'est aux Enfants Rouges, Mona, Les Petites Marées de Séverine Vidal et Mathieu Bertrand. Peu de choses à dire sur cet album-là, somme toute, parce qu'il est bon, il est bien. En fait, c'est pas un album qui m'a créé un coup de cœur ou un désir intrinsèque d'en parler ou de vous communiquer, mais inversement, ça reste un album que j'ai trouvé très solide et sympathique, et surtout, d'une certaine façon, chaleureux et peut-être, au-delà de ça, vrai. Dans la mesure où... c'est toujours complexe de représenter le deuil, de représenter les effets du deuil à travers d'un médium ou un autre, à mon sens, parce que ça reste quelque chose de très profond comme expérience, comme moment. Et ici, ben, ce qu'on propose, c'est un joli petit livre intimiste, donc où on découvre donc à travers les yeux d'une jeune fille la famille. Le retour à la maison suite au décès d'une grand-mère. Et donc, c'est quelles sont les conséquences, quel est l'impact sur les différentes personnes, comment chacun vit le deuil, vit ce moment-là. Donc, chacun à leur façon, chacun à leur manière. C'est écrit par Séverine Vidal, qui est surtout connue pour son travail jeunesse, qui a une jolie plume, qui est capable de bien mener une histoire simple, mais avec des dialogues justement et des réactions qui sonnent vraies. Parce que c'est la clé de ce type d'ouvrage, justement. Il faut qu'on sente la vérité de la nature, la vérité des choses, avec un trait qui est très correct, qui est joli, qui est tendre. On suit l'histoire tout doucement, on l'apprécie, on passe un moment cette tristesse-là avec ces personnages-là, mais une tristesse qui est aussi empreinte de lumière dans la mesure où on sent que c'est un moment charnière aussi. Donc bref, j'en dirai pas beaucoup, simplement pour vous dire que si c'est le genre de moment que vous avez envie de passer, ce titre-là va vous plaire. Il y a de bonnes chances qu'il vous plaise, mais par contre, c'est pas nécessairement non plus le titre qu'il vous faut absolument lire cet automne, on s'entend là-dessus. Alors là-dessus, on prend une courte pause. À venir, David Gauthier et Mathieu Place. En novembre, ne manquez pas les événements ponctuels du Cinéma Le Clap. Les 6, 9 et 23 novembre, ne manquez pas les événements du diffuseur Antitube. Le 19 novembre, les aventuriers voyageurs en Turquie. Du 27 au 30 novembre, les sommets du cinéma d'animation 2014. Et du 28 novembre au 4 décembre, ne manquez pas la 5e édition du Festival du film roumain. Pour les fêtes, offrez le rire, le drame et le suspense en cadeau grâce à nos abonnements et nos cartes cadeaux en vente sur place ou sur notre site Internet. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Inni, maman. Ludo, la lu. Lili, le lit. Oh, merci. Lucas, le lira. Grâce à la lecture en cadeau, des milliers d'enfants défavorisés auront accès à un livre neuf, souvent pour la première fois de leur jeune vie. Achetez un livre jeunesse et déposez-le dans une boîte prévue à cet effet dans une librairie participante. À la Fondation pour l'alphabétisation, nous croyons que qui a lu, lira. Plus de détails sur lalectureencadeau.org. Après un retour réussi l'an dernier, la Ligue d'improvisation musicale de Québec bat son plein pour la saison 2014-2015. Regroupant de talentueux musiciens issus de la scène musicale de la Ville de Québec, des matchs mensuels sont présentés au Cercle. Le 1er décembre, les Bleus rencontrent les Rouges. Pour plus d'informations, la constitution des équipes, des tirages et bien plus, retrouvez-nous sur Facebook. J'ai un ami qui passe une très, très, très... depuis des années très dures physiquement. J'avais pas plus de mots en fin de compte. Puis je voulais faire, mettre un baume sur les miennes et sur les leurs de blessures. Guy Bélanger et son âme sœur, l'harmonica, à Sentier Secret, mardi 2 décembre à 10h. Vous écoutez CKRL 89.1, Québec. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à, donc je rappelle, 18h30. Et si jamais vous voulez réécouter les émissions, c'est possible de le faire via nos balados diffusion. Elles sont toutes et toutes sur laviehenbd.wordpress.com. Et on le disait, on passe d'un genre à l'autre cette semaine et maintenant on va plonger dans l'univers de la science-fiction. Une bande dessinée qui est apparue tout récemment aux éditions Rémi Paradis. Ça s'appelle Le poids du vide, texte et dessin de David de Gauthier. Et il est avec nous pour en parler, David Gauthier, bonjour. Bonsoir. Alors, peut-être d'emblée, commençons par présenter un peu cet univers-là, donc le poids du vide. Peut-être en quelques mots, je te laisserai soin de nous le présenter. Le poids du vide, qu'est-ce que c'est comme univers? C'est un univers qui est futuriste, mais pas un futur avec des explosions, des robots, des extraterrestres, des vaisseaux spatiaux. C'est un futuriste où ça va mal, où il y a des restrictions de ressources. Ça se trouve être sur la Lune. La Lune est coupée de la Terre, les gens doivent vivre avec ça. Ça fait quand même longtemps qu'ils sont coupés, il y a une routine qui est installée, il y a aussi un inconfort, il y a une ambiance qui est apparue dans la société, mais ça survit tant bien que mal. Et d'une certaine façon, en ce sens-là, l'aspect visuel est assez évocateur dans la mesure où d'un côté à l'extérieur, c'est un désert gris de roc et à l'intérieur, c'est des corridors gris de métal, donc il n'y a pas d'issue presque. Non. En fait, techniquement, le scénario pourrait être utilisé pour n'importe quel contexte, mais le mettre en science-fiction, le mettre sur la Lune, ça permet vraiment de contrôler l'univers. Donc là, effectivement, on est dans des coques d'or à une place ou on est dans le désert lunaire où absolument rien, et là, c'est le vide. Puis oui, tout est fait pour être oppressant idéalement. Toutes les cases ont les coins sombres, par exemple, pour tout le temps essayer d'écraser le lecteur, tout le temps des plans serrés parce que c'est dans des couloirs. sentir un effet claustrophobique. C'était mon but à la base. Oui, de sentir l'inconfort dans le fond dans lequel les personnages se trouvent, d'une certaine façon. Oui, oui, parce que eux ils sont pris là-dedans, puis éventuellement, le lecteur, s'il est avec eux, il faut qu'il soit pris là-dedans, qu'il soit lui aussi, qu'il ait le sentiment d'être écrasé dans un espèce de petit bâtiment. Puis en même temps, qu'est-ce qu'il y a autour? Il n'y a rien. C'est le poids du vide un peu. Oui, en fait, puis le vide intellectuel aussi, parce que d'une certaine façon, c'est beaucoup un livre aussi sur la quête de sens. La quête de sens, donc, soit à travers justement la routine, l'absence de sens, ou sinon pour d'autres, la quête de sens par la recherche de connaissances, d'informations. Oui, oui, c'est effectivement une quête d'essayer de trouver un sens à la vie, mais encore là, ça permet de faire des parallèles, parce que les problèmes qui sont sur la Lune, il y a moyen de les transférer à qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Puis oui, la quête de sens aujourd'hui, ben on la retrouve un peu sur la Lune. C'est le but de tout ça, c'était d'aller chercher aussi le lecteur qui puisse comprendre un peu la situation, puis se rattacher à certains personnages. Ah, dans le fond, c'est ça qui m'est arrivé à ce moment-là. Oui, enfin, à la limite, c'est un peu ça, la science-fiction. D'une certaine façon, c'est une interprétation dans un contexte un peu plus extrême d'une réalité qu'on vit quotidiennement, mais si on la poussait plus loin dans un contexte où on est complètement prisonnier de cette réalité-là, finalement. Oui, ben c'est ça. Ça permet d'amplifier ce qu'on a en ce moment au présent, puis de jouer avec, puis de vraiment le rendre plus évident, parce que là, c'est un contexte que les gens ne sont pas habitués, mais il y a juste ça qui est mis en phase. Et qu'est-ce qui t'a amené justement vers ce type de questionnement-là, vers justement l'idée de l'absurde de l'existence, du vide peut-être, un peu de la routine de l'existence dans certains contextes? J'ai travaillé à plusieurs endroits dans ma vie, mais jamais j'avais eu la possibilité de faire quelque chose où vraiment j'avais un sentiment d'accomplissement, puis me dire « Ah oui, ça c'est quelque chose que j'ai fait, puis je suis fier d'un bout à l'autre, je trouve que ça a du bon sens, puis ça me développe bien. » Puis sauf que là, j'ai eu une opportunité. J'étais à Bécomo, puis j'étais en recherche d'emploi à ce moment-là. J'avais du temps devant moi, puis comme je travaille dans le graphisme, c'est pas les jobs qui courent le plus à Bécomo. Donc là, j'ai eu l'occasion de commencer une bande dessinée, puis j'ai un peu remis... je me suis dit, ça, c'est l'occasion de faire quelque chose dont je vais être fier. Donc là, je me suis dit, ça va être pour moi, ça va prendre le temps qu'il faut, ça va prendre du travail, ça, c'est certain, mais enfin, je vais avoir mis des efforts pour quelque chose. Puis là, je vais dire, oui, ça valait la peine. Puis en parallèle, dans le fond, regarder ces années de non-accomplissement-là, d'une certaine façon, puis se poser la question de est-ce que ça servait à quelque chose, au bout du compte? Oui, oui, parce qu'il y a quand même des événements qui sont basés là-dessus, sur des choses que j'ai vécues, mais en même temps, c'est pas des, il n'y a pas moyen de pointer directement « Ah, ça, c'est telle personne, ça, c'est telle personne. » Non, c'était pas ça mon but. Par contre, j'ai tout décomposé ça, j'ai remanié. Finalement, ça m'a permis de me mettre à leur place, à la place de personnes que j'ai connues, à mieux comprendre leur réaction, qu'est-ce qui s'était passé psychologiquement. Puis finalement, on se rend compte, tu sais, des fois, il y a des situations où on dit « Ah, c'est noir ou c'est blanc. » Non, non. Quand on joue, puis on se met à la place des autres, puis que finalement, on se dit « Qu'est-ce qu'il y avait dans leur tête? » Maintenant, on se rend compte que c'est plus des teintes de gris, puis y aller encore là avec une BD en teintes de gris, ça devenait encore plus pertinent. Et une BD qui est remplie justement d'impasses au bout du compte, dans la mesure où le personnage, sans trop dévoiler de l'intrigue, mais il cherche justement ce sens-là, et il trouve plein d'ouvertures potentielles, mais finalement... Au fur et à mesure, on dirait que c'est des murs qui se... Ils trouvent un mur derrière le mur, au bout du compte. C'est... Oui, effectivement. Là, c'est intéressant. Sans trop dévoiler, là, c'est intéressant parce qu'on pourrait se rentrer dans des punchs. Mais oui, c'est... Je trouvais que souvent dans la vie, il y a des points où on arrive, puis non, c'est une impasse pareille. Si on regarde éventuellement à quoi ça va mener, on a l'impression que ça débloque, mais éventuellement, ça va bloquer. C'est... Mm-hmm. Puis même, je dirais, si on fait juste réfléchir, ça va être loin, là, mais éventuellement, même si on dit que la société va bien, que tout va bien aller sur la Terre, le soleil, un jour, va prendre de l'expansion parce que ça va être la fin du soleil et il va brûler la Terre. Ça veut dire que tout ce qu'on va avoir fait de toute façon sur la Terre, il ne restera plus aucune trace. Et... Bon, enfin, on peut vraiment le voir à moitié plein, comme on dit, oui. Le verre, là, c'est voir vide. Mais en fait, donc d'une certaine façon, il y a cette une ambiance de tristesse un peu d'inéluctable qui transcende un peu, j'ai l'impression, cet album-là. Oui, c'est fait pour être inconfortable. C'est pas une BD qui est faite pour nécessairement remonter le moral, quoique dans certains cas, ça permet d'après ça trouver des solutions. Mais effectivement, je voulais que le lecteur soit inconfortable au niveau visuel de l'environnement, mais aussi au niveau des réflexions qu'il va avoir de... C'est peut-être pas correct pour le lecteur. Mais en fait, non, au contraire. Mais au fond, on en parlait justement tout à l'heure autour de l'ambiance horrifique ou des choses comme ça. Mais il reste que lire, c'est aussi vivre une expérience, d'une certaine façon. Puis ça, c'était mon but, ça. Je voulais que le lecteur puisse avoir une réflexion à partir de ça, qu'il soit capable de justement faire des ponts avec ce que lui a connu. Puis si qu'à la fin, parce que je veux qu'il soit capable de continuer le récit que j'ai apporté, qu'il soit capable de compléter, faire des parallèles avec lui, qu'est-ce qu'il a connu, puis c'était finalement le faire travailler aussi. Selon moi, c'est tout, personnellement, toutes les histoires que j'ai le plus aimées, c'est elles qui avaient des fins ouvertes, puis qu'on pouvait après ça s'approprier. Parce que aussitôt qu'on retravaille la fin, qu'on est de son côté, qu'on y réfléchit, ben on participe avec l'auteur finalement. Mm-hmm. Et à travers ça, les personnages, comment tu les as construits un peu, David Gauthier? Parce que, par exemple, le personnage principal, Janvier, j'ai l'impression que c'est d'abord et avant tout la tristesse qui domine, l'inconfort qui domine sur ce personnage-là. Et c'est ça qui va le mener de la première page à la dernière page. Et sa physionomie, sa manière d'aborder les choses semble être basée un peu sur cette émotion-là. Oui, ben, les personnages sont construits sur les besoins d'histoire. On avait besoin de quelqu'un qui était un héros, qui était inconfortable dans la situation, mais en même temps qui est capable d'aller jusqu'au bout pour voir qu'est-ce que ça va mener. Puis, tu sais, une curiosité à la limite scientifique ou peut-être des fois morbide, mais il faut y aller. Il faut aller jusqu'au bout parce que sinon, on a peut-être fait un faux pas puis on a manqué finalement la solution, ce qui était ultime qui aurait pu sauver. Oui, quitte à en faire un anti-héros, un héros qui est héros malgré lui, en fait, parce qu'il n'est pas sympathique, il n'est pas... C'est au bout du compte, c'est... Ouais, ben, c'est... on peut voir ça comme ça. C'est un besoin que l'histoire avait. Puis encore là, c'est en connaissant des personnes, en allant chercher sur des histoires dans mon passé, ben là, ça m'a permis d'aller juste chercher ces volets-là, puis toutes les inclure dans un seul personnage, puis regardez, c'est lui, il incarne ça. Même à faire un peu pour toutes les autres qu'il rencontre, où là, ça va être des personnages qui, des fois, vont avoir un trait, qui vont être juste naïfs, ou des fois totalement fiers, sans raison, mais ça fait des caricatures, mais... Dans l'ensemble, ça permet de balancer l'histoire puis de simplifier parce que sinon, ça demanderait tellement de personnages qui seraient inclus dans l'histoire pour arriver au même résultat. Oui, puis en même temps, dans le fond, on revient un peu à ce qu'on disait au départ. C'est comme si c'est un récit d'ambiance, un récit psychologique à la limite de philosophique, peut-être même si on pousse un peu. Ben, dans le fond, c'est des caractères qui s'entrechoquent puis qui viennent justement créer des réactions, créer des situations, des événements, etc. Oui, c'est tout pousse à la réflexion. Puis les réflexions vont être variées là-dedans. C'est y a beaucoup de volets de la vie qui sont abordés. Puis c'est volontaire, ça. Des fois, ça donne un petit feeling, je ne le cacherai pas, où on est tiraillé. On a l'impression qu'on va aboutir à quelque chose, mais là, ça fait comme nous glisser des mains, puis là, on est amené à une autre place. Puis ça, c'est quelque chose que je voulais... Pour qu'est-ce qui est de la structure de la bande dessinée, je voulais donner l'impression que, finalement... Même si on prend des décisions, qu'on essaie d'aller à quelque part, des fois dans la vie, finalement, on est tiré vers quelque chose d'autre. J'ai aussi fait dans le rythme des endroits où c'est plus mort, que finalement on attend une recherche, puis après ça, hop, ça déboule, puis finalement le personnage essaie de rattraper là-dedans, il emporté dans quelque chose d'autre, puis finalement un autre temps d'attente. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Puis des fois, ben, en fait, comme tu disais, c'est avec l'idée d'être tiré par quelque chose, ben, des fois justement on est tiré par le vide. Oui. Ah, ça peut être violent, ça. Et à travers ça, est-ce que tu as des influences, des éléments du côté science-fiction autant que du côté dessin qui sont venus t'alimenter? Oui, je le cacherai pas. Il y a des trucs qui m'ont beaucoup marqué dans la vie. Il y avait les bandes dessinées dans le sous-sol chez mes parents. Puis c'était du Bilal qu'il y avait à l'intérieur des bibliothèques. Puis ça, c'était mes livres préférés. Je tombais sur des vieux Bilal. Il y avait L'Appel des étoiles. Il y avait aussi... le vaisseau de pierre qui était là. Puis ensuite, j'ai continué à explorer tout ce volet-là, dans le fond, BD science-fiction européenne de fin 70, début 80. C'est vraiment le morceau qui m'a le plus accroché dans toute la bande dessinée. Donc, je suis resté un peu... Je peux pas me comparer à eux. C'est des dieux de la bande dessinée, mais ils ont eu pas mal d'influence sur moi. Oui, puis t'as encore du temps pour te rendre. Oh! après tout, c'est un premier album aussi. Oui, ça c'est vrai. C'est le premier album. Je me suis lancé là-dedans. J'avais jamais fait de bande dessinée. J'avais déjà fait du dessin, beaucoup de dessin. Mais construire vraiment un scénario, puis faire aussi des répartitions, séparer l'histoire en cases. Puis ça a été beaucoup d'apprentissage. Mais dans l'ensemble, c'est, je suis très fier du résultat. Je trouve que ça se tient bien, puis c'est bien articulé. Donc, oui. Et si jamais justement les gens veulent voir, veulent découvrir, veulent plonger dans cet univers, je le rappelle, ça s'appelle Le poids du vide aux éditions Rémi Paradis. Il y aura aussi séance de dédicace le 12 décembre. Oui, librairie Pantoute sur Saint-Jean. C'est les heures, ça reste à confirmer. Ça risque d'être en fin de journée. On fera des petits rappels sur le Facebook et le blog de la vie en BD, évidemment. En cours de route, oui. David Gauthier, merci. Ah, ça fait plaisir. Et donc, je rappelle Le poids du vide, donc BD dessiné et scénarisé par David Gauthier aux éditions Rémi Paradis. Voilà, dernier petit extrait de la formation Red Flag, tiré de leur album Culture Shock, album que vous pouvez trouver d'ailleurs sur l'étiquette, sur la Bandcamp, en fait, tout simplement. Alors, ben voilà, maintenant pour la dernière ligne droite, on a le plaisir d'être en compagnie de Mathieu Place. Bonjour. Salut tout le monde, salut Raymond. Et Mathieu, cette semaine, tu fais du rattrapage. Oui, ouais, exactement. En fait, je vais vous parler de Adventure Time. Alors, sûrement qu'il y en a à la maison là, qui connaissent ça. Ça fait son petit bout de chemin depuis 2010 quand ça a été sorti. Là, ça fait quelques années, mais ça fait son petit bout de chemin sur Internet. On le voit un peu partout. J'avais vu des références là-dessus dans les magasins. J'avais vu quelques extraits vidéo, des gifs animés. Sur Internet, c'est devenu un phénomène aussi. Là, ben, c'est ça. Tu sais, je l'avais vu passer, mais en même temps, j'avais pas expérimenté avec la BD elle-même. J'avais pas lu la bande dessinée. J'avais pas vu la source elle-même. Et puis, ben, j'ai décidé de découvrir ça cette semaine. En fait, j'ai commencé par la bande dessinée sans savoir qu'au départ, c'était un dessin animé à la télévision. En fait, c'est ça le point de départ. C'est un dessin animé, là, comme les Simpsons ou South Park, etc. Puis là, après ça, je me suis posé la question, est-ce que ça compte quand même si je parle d'une bande dessinée qui sort d'un dessin animé? En fait, c'est comme si faire une critique pourquoi littéraire. Ouais, mais tu sais, des fois, tu te dis, bon, c'est comme faire une critique littéraire d'une novélisation d'un film. Mais en même temps, c'est tellement particulier comme univers, de manière générale, que ça mérite notre curiosité, mettons. Ben, c'est ça. Je me dis, ça fonctionne quand même. Et puis, en fait, en lisant la bande dessinée, moi, je me doutais vraiment pas que ça venait d'un dessin animé, parce que le langage de la bande dessinée dans les bandes dessinées de Adventure Time sont vraiment exploités. Là. Tout le langage de la bande dessinée, les bulles, les effets de cases qui s'entremêlent les unes aux autres, là, tout ça, c'est vraiment exploité. Alors, on sent que ça a pris possession complètement là, du langage de la BD. Alors, par exemple, dans la bande dessinée que j'ai ici, ben, les personnages se promènent et puis à un moment donné, ils perdent leur voix. Alors, ils parlent avec des pictogrammes. Alors, à l'intérieur de leur bulle, au lieu que ce soit des mots, ben c'est des pictogrammes. Alors, il faut décoder le langage qui est à l'intérieur des pictogrammes, mais ça fonctionne avec le langage de la bande dessinée parce qu'on est encore dans le graphique, dans le statique graphique là, de la bande dessinée. Mais c'est ça, ça exploite vraiment ça. On n'aurait pas pu faire ça là, dans un autre média. Je vais en parler un petit peu. Donc, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent moins qu'est-ce que Adventure Time? Adventure Time, ça a été inventé justement en 2010. Les premiers épisodes sont sortis à cette époque-là. Aujourd'hui, il y a 176 épisodes de bande dessinée animée qui ont été créés dans 6 saisons. Alors, ça fait beaucoup d'épisodes là, en 4 ans. Là, ça a été toute une production. Il paraît que ça prend à peu près 5 à 9 mois pour produire un épisode. Ils en produisent plusieurs à la fois, mais c'est vraiment fait old school avec du dessin et puis il y a des une animation là à la main. Alors c'est vraiment le classique là de la bande dessinée animée là qu'on connaissait depuis les années 80-90. Très peu d'animation 3D. Une fois de temps en temps pour faire un effet, il va en avoir, mais c'est vraiment old school. Et c'est Pendleton Ward qui a inventé cette bande dessinée là, ce dessin animé là, cet univers là. Évidemment, bon, depuis le temps, il y a toute une équipe là qui s'est joint à lui. Alors, qu'est-ce que c'est Adventure Time? C'est l'histoire de Finn, Jake, qui sont dans un pays qui s'appelle Land of O. Et dans ce pays-là, c'est vraiment un pays fantastique où il y a des princesses, des magiciens, des gobelins, là, tout le classique du Donjon et Dragon. Et puis, Finn et Jake, c'est des aventuriers. Alors, ce qu'ils font dans la vie, c'est vraiment des aventures. Ils s'en vont faire des donjons, ils trouvent des trésors, ils vont combattre des méchants, sauver des princesses, toutes les missions classiques. Et ils vivent pour ça. Et Finn, ben, c'est un personnage assez classique, c'est-à-dire deux bras, deux jambes, un petit sac à dos, une épée. Ça reste à ça, mais son fidèle compagnon qui est Jake, lui, c'est un espèce de chien jaune qui peut se transformer en toutes sortes d'affaires étranges. Alors, il peut se transformer en glissade d'eau, en ballon dirigeable. Le côté surréaliste vient un peu aussi là-dessus. Ben, c'est ça, exactement. Là, on entre vraiment dans le surréaliste. Pour ceux qui connaissent Donjon, moi, ça m'a vraiment fait penser à Donjon. Quand j'ai commencé à lire Adventure Time, j'ai commencé à penser à Donjon de Trondheim, puis plus j'y pensais, plus je me rendais compte que c'était finalement pas mal exactement la même idée. Parce que dans Donjon, c'est le monde de Donjons et Dragons, le monde du fantasy, jeu de rôle, Seigneur des Anneaux, mais tourné sur la dérision et puis avec des personnages qui sont un peu ridiculisés. Mais dans Adventure Time, c'est exactement la même chose. On a un monde qui est plein de princesses, de dragons, etc. Mais dans le fond, on a l'impression que les personnages, ils sont jamais vraiment en danger. Là. Ils s'en vont dans leurs aventures, mais c'est plus pour le fun. Mm-hmm. Il y a un gros monstre géant qui se pointe devant eux, puis waouh, ça va être le fun, on va pouvoir se battre avec lui. Enfin, on les suit plus pour l'aspect justement cocasse des aventures que pour le stress qu'on va ressentir à savoir vont-ils gagner ou non. Ouais, exactement. Il n'y a pas vraiment de stress ou d'enjeu tant que ça. Puis on peut passer une aventure complète où c'est seulement une espèce de dîner qui tourne mal avec la princesse. Rien va comme elle veut. Et puis là, il y a un magicien qui vient tout gâcher ses plans. Alors ça, c'est une aventure qui peut être sur le même pied d'égalité qu'une autre aventure où est-ce qu'ils vont détruire un donjon entier. Puis des fois, ils vont se présenter avec certains personnages qui sont leur ennemi juré. Et puis, ben, à un moment donné, ils vont décider de faire une aventure ensemble, juste pour le fun. Alors, vous voyez le principe, c'est assez lousse. C'est assez relax. Et puis, c'est le côté surréaliste là, qui est vraiment extraordinaire. Ça peut interpeller justement les gens qui sont un peu plus vieux parce qu'au départ, on lit cette bande dessinée-là, puis bon, ça peut interpeller un public plus jeune, mais je vous dirais que comme d'autres mondes, comme, mettons, Alice au Pays des Merveilles ou, tu sais, le monde de Mario, ce genre de monde-là, eh bien, il y a une espèce d'autre niveau complètement psychédélique, trip de LSD, complètement fou, qui peut intéresser là, intellectuellement là, les gens un peu plus vieux, parce qu'ils bâtissent une espèce de logique dans leur monde, et puis à chaque deux pas, ils vont trouver un moyen de twister cette logique-là puis de toute la mettre à terre pour en construire une nouvelle. Pour la mettre à terre par la suite. Alors, tu sais, c'est pas rare qu'on ait des mondes dans des mondes dans des mondes dans des mondes style matrice, mais tu sais, vraiment d'une manière exponentielle où est-ce qu'on perd complètement la carte. Mais c'est du n'importe quoi qui est bien construit. Oui, c'est ça, exactement. En lisant sur Adventure Time, j'ai vu plusieurs fois dans les entrevues, les concepteurs avaient un souci quand même assez important de construire une espèce de structure puis de logique. Alors, tu sais, il y a de la magie, il y a toutes sortes d'affaires folles qui se produisent, mais ils voulaient quand même que ça fonctionne pour garder l'intérêt du lecteur, là, parce que si ça devient n'importe quoi, ben on perd le fil, on perd le lien avec l'histoire, mais là c'est juste le bon niveau là pour qu'on s'amuse à explorer ce monde complètement fou là, mais qu'on sente quand même qu'on peut mettre les pieds sur la terre là, puis qu'on peut l'explorer comme il faut. Alors c'est quand même assez intéressant. Un autre aspect que j'aimerais que je trouve intéressant, c'est une espèce de tendance qu'on voit souvent dans les médias et puis ailleurs. Ben Adventure Time, tu sais, déjà le titre est assez basic, hein, c'est Adventure Time. Il y a des personnages qui sont dans dans cette histoire-là. On a Magic Man, qui est un magicien, tout simplement. Il y a un autre personnage, c'est Ice King, Ice Queen. Alors, c'est assez... C'est des tâches, limite des métiers, plus que des noms. Que des noms, oui, c'est ça. C'est des choses qui sont nommées par leur fonction. Je vois ça souvent, là. C'est juste un petit clin d'œil. On voit ça aussi dans la restauration, dans le projet, l'atelier, la table, etc. T'sais, je ne sais pas si c'est une tendance qui va se retrouver ailleurs, mais là-dedans, on le voit vraiment. Tous les personnages sont des références assez marquées au monde de Donjons et Dragons, puis on les nomme tel que leur fonction est, là. Alors, on a un magicien qui s'appelle Magic Man. Autre aspect là, intéressant, c'est vraiment les liens avec Donjons et Dragons, les jeux vidéo. Alors, c'est vraiment de notre époque. Ça a gagné le Will Eisner Prize. Ce qui n'est pas rien, là. C'est le plus grand prix. Ouais, c'est considéré comme les Oscars des comics. Ouais. Alors, ça vaut la peine pour tous ceux qui aiment les choses un peu fantastiques, psychédéliques et assez intelligentes. Regardez ça, Adventure Time, là, ça va vous allumer. Oui, on fait autant littération animée que littération dessinée. Les deux méritent le coup d'œil, si on peut dire. Là. Oui, absolument. Oui. Et j'aime bien le parallèle que tu as fait avec Donjon. Je trouve qu'effectivement, les deux ambiances, on dirait, j'y avais pas pensé, mais ça fit. Même le dessin est comme vraiment semblable, les bras, tu sais, pas de coude, là, c'est pareil, en tout cas. Mathieu Place, nous, on se dit à dans deux semaines, dans le fond. Ben oui, à bientôt. À bientôt. Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Je vous souhaite un bon week-end sur les ondes du 89.1 CKRL.